chassera la jalousie des gens. On attire les envieux lorsque l'on s'aime. Ils osent se faire passer pour des êtres bien pensants. Croient pouvoir juger les bons des mauvais. Et ne vois pas les différences. Ensemble, toi et moi, nous avançons dans le même sens. Personne ne pourra contrôler nos sentiments. Qu'importe la religion, qu'on soit noir ou blanc. C'est l'âme et moi, c'est besoin de moi. C'est ça qui enchaîne. Auprès de toi sans maintenant, gravé dans ma mémoire et dans celle de l'échelle du temps. Ceux qui n'ont pas marqué notre histoire ne comptent plus l'amour. Vivons notre passion seule à l'abri des vents. C'est le cas, bah moi tout en vie. En s'avélant, moi toujours plus fort. Serrez-moi tout pour être avec toi. Je vendrai mon âme. Parce que c'est vous qui tient moi choisi. Parce que c'est vous, c'est car à moi toute envie.